franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la révolution de Jasmin en Tunisie, le soulèvement d'un peuple, le premier d'une série dans le monde arabe. En 28 jours, les Tunisiens se débarrassent du dictateur Ben Ali. 28 jours de manifestations et de répression, autant de révoltes et de morts pour la cause. C'était hier, entre décembre 2010 et janvier 2011, nous suivions tous à distance cette révolution qui se déroulait sur nos écrans d'ordinateur, tant les réseaux sociaux ont été importants dans ce mouvement libératoire. Mais aujourd'hui, où en sont les Tunisiens ? Eh bien, leur printemps a donné ses fruits. Oh, pas encore tout à fait mûr, mais par rapport au destin de leurs voisins, qui eux aussi ont voulu renverser la table, la démocratie s'est frayée un chemin, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, et surtout en Syrie, dont la tentative de printemps s'est soldée par un terrible drame, sans parler des Libyens qui ont renversé Kadhafi avec l'aide notamment de la France, mais dont le pays est devenu un champ de ruines. Aujourd'hui, nous vous racontons les bourgeons de la révolution tunisienne, donc juste avant le printemps. L'après, nous l'évoquerons en deuxième partie d'émission avec notre invité Gilbert Achkar, chercheur franco-libanais, professeur à l'Université de Londres, auteur du livre intitulé « Symptômes morbides, la rechute du soulèvement arabe » chez Sinbad Actes Sud. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Koyen Guyen, Jérôme Chélius et Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Henri Bérec. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En décembre 2010, la Tunisie, pays de 10 millions d'habitants, blotti entre l'Algérie et la Libye, rime depuis 23 ans avec le nom de son dirigeant, Ben Ali, second président de la République tunisienne instauré en 1957. Quand ce pays déclare son indépendance un an plus tôt, Ben Ali a 20 ans. Fils d'une famille modeste de la côte nord-est du pays, il fait ses études en France et aux États-Unis. Après plusieurs postes à l'étranger dans le domaine militaire, il est rappelé en 1984 en Tunisie pour prendre la tête de la Sûreté Générale après les émeutes dites des émeutes du pain qui éclatent la même année. En 1987, Habib Bourguiba le nomme ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre. Un mois plus tard, Ben Ali prend sa place à la tête du pays. Le 7 novembre 1987, sept médecins triés sur le volet par Ben Ali signent un rapport médical prouvant l'inaptitude du président Bourguiba à exercer ses fonctions. Étant Premier ministre, Ben Ali lui succède sans avoir fait couler une goutte de sang, une sorte de coup d'état médical. Deux ans plus tard, il est élu président de la Tunisie, puis sera sans cesse élu, sans concurrence, il est vrai. Après avoir obtenu le salut des urnes, il obtient la bénédiction de l'opinion internationale, dont la France, qui voit en lui l'ultime gardien face à l'islamisme qui embrase à cette époque le pays voisin, l'Algérie. Depuis son accession au pouvoir, on se représente la Tunisie comme un lieu de villégiature sans risque pour les touristes. L'autoritarisme et le manque de liberté dans ce pays ne soucient pas grand monde. Les Occidentaux s'accommodent des violences et des arrestations sommaires qui s'exercent loin des hôtels luxueux de la côte, un peu comme dans le Maroc d'Hassan II à la même époque. Après le 11 septembre, Ben Ali est même présenté comme un modèle, un allié de toujours sur qui on peut compter. En 2008, lors d'une visite officielle en Tunisie, Nicolas Sarkozy, lui non plus, ne fait pas la leçon à Ben Ali sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, l'espace des libertés progresse. Ce sont des signaux encourageants que je veux saluer, mais je ne vois pas au nom de quoi je me permettrai dans un pays où je suis venu en ami et qui me reçoit en ami, de m'ériger en donneur de leçons. J'ai pleinement confiance dans votre volonté de voir continuer à élargir l'espace des libertés en Tunisie. Nous en avons parlé, vous et moi. Pourtant, quelques semaines avant ce voyage, Ben Ali réprimait dans le sang le mouvement des mineurs de phosphate du bassin de Jafsa. Trois morts, des centaines d'arrestations et de condamnations. Lors de ces mois de lutte, bien loin des sommets et des visites officielles, les Tunisiens se sont opposés au régime et ont accepté d'affronter la police jusqu'à y perdre la vie, pour certains. Deux ans après, à Sidi Bouzid, une autre vie va faire basculer le pays. « 17 décembre 2010. Sidi Bouzid est une bourgade de 40 000 habitants située au centre de la Tunisie, à 240 km de Tunis. Enclavée entre les montagnes de la dorsale tunisienne et du Djebel Elkbar, elle fait partie des villes de l'intérieur, celle de la zone d'ombre de la Tunisie, bien loin des cités bétonnées, vitrines du pays moderne et touristique. Ici, c'est l'agriculture des sols arides et la bricole qui fait le quotidien. Le taux de chômage est l'un des plus importants du pays, alors pour ceux qui ne peuvent travailler sur la côte ou à l'étranger, eh bien on se débrouille comme on peut. C'est le cas de Mohamed Bouazizi. Âgé de 26 ans, il a quitté le lycée en terminale et n'a pas trouvé d'emploi. Il devient marchand ambulant de fruits et légumes sur les marchés en espérant sans doute un autre job, dans une autre ville, une autre vie où la vie est moins dure. Comme beaucoup, il n'a pas d'autorisation et accepte les remontrances, les petites humiliations de la police qui se sert au passage. Le 17 décembre, il est une nouvelle fois contrôlé. Sa marchandise est embarquée. Sans charrette, sans produit, il décide de déposer une réclamation au gouvernorat, une subdivision territoriale tunisienne. Personne ne le reçoit. Quelques heures plus tard, au milieu d'un carrefour, il décide de s'immoler en public. Un feu pour crier la colère et la misère qui marquent son quotidien. Une buraliste présente raconte ce drame devant la caméra de Christophe Cotteret dans son film « Démocratie, année zéro ». Il était environ midi 20. J'étais debout ici. Mon fils arrangeait les journaux là-bas. Mon mari était assis sur une chaise. Il a vu, il m'a appelé « Maman, maman, quelqu'un s'est immolé ». Je suis arrivée à côté de lui et j'ai vu quelqu'un. Il tournait, tournait, il brûlait en entier. Il tournait comme ça. Il n'y avait que lui dans la rue. Il n'y avait personne d'autre que lui. Il tournait, tournait. On est sortis en courant. Il est tombé par terre. Les gens se sont rassemblés, quelqu'un est sorti avec nous. Il a enlevé son manteau, à l'époque il faisait froid, et il l'a posé sur lui. Je criais, je pleurais, c'était un spectacle terrorisant que je n'avais vu que dans les films. Depuis le geste de Mohamed Bouazizi, beaucoup d'encre a coulé sur les raisons qui ont poussé ce jeune Tunisien à s'immoler. On a parlé d'une gifle d'une policière, Faïda Hamdi, une femme, un bouc émissaire idéal. Pendant des mois, elle porte ce fardeau. Le 19 avril 2011, elle obtient un non-lieu. On n'en saura pas plus. Quoi qu'il en soit, ce 17 décembre 2010, d'un claquement de doigts, le jeune homme a changé l'avenir du pays. L'image de ce corps en flammes se disperse comme une traînée de poudre sur le net. On tape son nom sur Internet, sur Facebook, on s'envoie sa photo, on se transmet son histoire. Le lendemain, des manifestations éclatent dans les rues de Sidi Bouzid. Les gens demandent justice, dénoncent la vie chère et le chômage qui gangrènent leur vie. Grâce à leur téléphone portable, certains filment le rassemblement et publient les images sur YouTube ou sur leur page Facebook. Face à la censure de l'État, Internet devient un outil pour exprimer une liberté bafouée, celle de l'information. Comme un cheval de Troie, d'où sortiraient sur le territoire ces réalités que le pouvoir a toujours voulu cacher ou maquiller. Car sur les écrans de la télé publique, évidemment, aucun écho de ces événements qui dérangent. Pourtant, dans la région, des manifestations de soutien et de protestation s'organisent. Un autre enfant de la Tunisie se suicide pour la cause le 22 décembre. Celui-là avait 24 ans. Il s'appelait Houssine Nedji. Son portrait brandi comme celui de Mohamed Bouazizi lors des marches de protestation. Le 24 décembre, la police tue une première personne par balle à Menzel Bouziane. Des dizaines suivront dans les prochains jours. L'État, lui, ne s'alarme pas. Les manifestations sont cantonnées aux chômeurs de l'intérieur, loin des caméras. La matraque et la répression éduisent ces explosions de colère. Le 26 décembre 2010, une première voix de Tunisie, celle de Mokhtar Trifi de la Ligue des droits de l'homme, dans ce pays, témoigne de la situation sur les ondes de France Inter. Il y a un ras-le-bol qui s'est manifesté pas seulement dans la région de Sidi Bouzid, mais aussi à Tunis, à Bizerte, dans d'autres villes. Les gens se manifestent surtout dans les locaux et devant les sièges des syndicats, pour justement exprimer le ras-le-bol de la jeunesse, surtout la jeunesse universitaire, qui après tant d'années d'études et de réussite, sortent des bons de l'université pour être dans la rue, sans emploi. La région de Sidi Bouzid, par exemple, l'une des régions où le chômage est le plus élevé dans le pays. C'est pratiquement plus que le double de la moyenne nationale. Il y a eu un mort par balle, à Manzel Bouzéen, d'autres blessés par balle, et puis il y a une intervention extrêmement musclée, surtout ces dernières heures, ces derniers jours, dans la région de Sidi Bouzid. On espère que le gouvernement prenne conscience de la nécessité de trouver des solutions urgentes à des problèmes endémiques qui nécessitent une intervention rapide, mais pas une intervention sécuritaire, une intervention pour donner du travail aux jeunes de ces régions-là. Le lendemain, les robes noires, celles du deuil comme de la justice, marchent dans la rue. Devant la foule, des avocats critiquent ouvertement le régime et l'État policier. La critique sociale devient politique, la révolte se mue peu à peu en révolution, car ils ne reculent plus, ils ne font plus marche arrière. La famille Ben Ali, elle, est en vacances à Dubaï, où Leïsla Trabelsi, l'épouse de Ben Ali, qu'on surnomme la régente de Carthage, profite de l'argent du régime pour faire ses emplettes de fin d'année. À son retour, le 28 décembre, le gouvernement lance une opération de communication à la télévision pour reprendre la main. Après un reportage où l'on voit le président au chevet de Mohamed Bouazizi, le corps entièrement recouvert de bandages, Ben Ali prend la parole et s'insurge contre les extrémistes de l'intérieur qui nuisent au tourisme, dit-il, et à la richesse du pays. Le lendemain, un nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports est nommé et le gouverneur de Sidi Bouzid est limogé. Les jours passent, mais la révolte, elle, s'empare de tout le pays. En solidarité à Paris, les Tunisiens protestent contre le régime. Ils ne le savent pas encore, mais l'année 2010 sera la dernière pour Ben Ali, la dernière à la tête du pays. اسمعني بيان قبل ما تبلغ قبل ما تخرج فيا برقية قاتل قال وقبض ماني جاي ضدك ماني جاي نحاسبك أما جاي باش نوصلك باللي الشعب راهو مادلك مادلك بشوع طفل صغير عيني بدموع سيرتو يبكي دم بيلقى صوتو مش مسموع يشوف باللي الفقر اليوم ممكنهم كالشيطان ويشوف باللي الحاكم ياكل عم مش عظام مأساة نشوفو فيها يوميا في الحوم في القهاوي في الخرب تحت الحيط وتحت السبل مأساة متاع شماتة برشا عباد ماتوا بالشر برشا عباد ماتوا كل كلاب ديريكت في الحفر بيجر ظلم الحاكم لا يطبقوا لا قانون همهم كان في الفلوس شكون يولي بارون هذه غنيتي اليوم ما يهمني حتى شيء ما يهمني زعما غدوة نبقى ميت ولا حي سيدي الرئيس ما نحبكش تفهمني بالمقلوب ماني جاي باش نقول يا خالد يا مخلوب بالعكس حبك تقف للشعب وتعاونهم وتقضي على الفساد في البلاد وتعاقبهم سيدي الرئيس ما نحبكش تفهمني بالمقلوب ماني جاي باش نقول يا خالد يا مخلوب بالعكس حبك تقف للشعب وتعاونهم تقضي على الفساد في البلاد وتعاقبهم سيدي الرئيس الشعب اليوم انقم الاوضاع انقمك يا رب اللي الدنيا اليوم ولا صراع صراع وحروبات شكون يشد الكرسي الاول شكون يطلع اقراض وشكون يخر شكون يطول والشعب هو اللي يدفع فاتورة هالنفساد يقعد يعاني طول حياته بظلم الحاكم والقوات اللي هلكوا البلاد بالرشاوي تحت الكونتوار والشعب دمه مبزع في الكياس وفي التروتوار والحاكم عالبال وش يعملوا قاعدين الناس يركبوا لهم قضية باش يتحصروا في الأحباس واللي يحاول يتكلم ويناقش اش يصير يطيحوه يسلسلوه يتبعث الأفنير يبعثوه ورا الشمس ورا ليبارو يتحكم ليطبقوا لا قانون لا دستور ولا قيم كيفاش اليوم تحبوني ساكت ومسكر الفم الشعب فد من الأوضاع اللي صايرة في الأحوام سيدي الرئيس ما نحبكش تفهمني بالمقلوب ماني جاي باش نقول يا خارب يا مغلوب بالعكس حبك تقف للشعب وتعاونهم تقضي على الفساد في البلاد وتعاقب سيدي الرئيس ما نحبكش تفهمني بالمقلوب ماني جاي باش نقول يا خالد يا مغلوب بالعكس حبك تقف للشعب وتعاونهم تقضي على الفساد في البلاد وتعاقبهم. Depuis le discours du président, les cortèges ne désemplissent pas en Tunisie. Le 4 janvier, à Tala, à l'est du pays, lycéens, enseignants et chômeurs protestent collectivement. La répression est sanglante. Le même jour, on apprend la mort de Mohamed Bouazizi, l'immolé du 17 décembre 2010, qui a succombé à ses blessures. Plus de 5000 personnes s'associent à la peine de la famille lors de ses funérailles. En hommage, sans doute, en ce jour de deuil, des cyberactivistes attaquent et piratent pendant quelques heures les sites internet du gouvernement. De la révolution à l'irrévolution. Oui, internet, l'autre front de la révolution, un front peuplé de 1 500 000 à 2 millions de personnes branchées sur Facebook. Un front dont l'État ne peut que difficilement limiter l'accès. C'est ici que depuis quelques semaines, on se partage des appels à manifester, les photos et les vidéos des rassemblements, des violences policières, des actes de gribouillage et de saccage sur les portraits du président. On relit les dernières nouvelles, cachées par l'information officielle, on salue le nom des premiers morts. Munis d'un téléphone portable et d'une connexion internet, ces Tunisiens montrent et partagent au monde entier, en direct, sans filtre, plein cadre, leur révolution. Le 6 janvier, une vague d'arrestations emporte des blogueurs et des internautes influents du mouvement comme Slim Amamou et Aziz Amami. Des plateformes de vidéos comme YouTube sont censurées. Mais il est trop tard. Des images font déjà le tour du monde. À distance, on observe l'escalade de la violence, de plus en plus de cris, de détonations d'armes au loin, puis des visages et des corps ensanglantés. La liberté est parfois terrible à voir. C'est le cas sur les images provenant de Tala et Kasserine. Ce 8 janvier 2011, 23 civils sont tués. Chaque révolution connaît sa semaine sanglante. Là-bas, le mur des fédérés s'appelle Tala et Kasserine. L'indignation traverse les frontières. Les journalistes débarquent. En fin d'après-midi, devant le local de l'Union syndicale, ils sont une petite centaine à venir spontanément crier leur colère. Leur slogan dénonce la répression sanglante des dernières manifestations et réclame le départ du président Ben Ali. Ce mouvement de revendication qui a commencé il y a 4 semaines, ce mouvement a pris de l'ampleur et il a gagné toutes les régions de la Tunisie parce que les jeunes ruminent depuis 2 décennies leur misère et leur désœuvrement. Ils en ont assez. Lorsqu'ils s'en sortent dans la rue, le gouvernement perd les pédales, il a commis des crimes, des meurtres, ici à Kasserine. Le nombre total a dépassé la trentaine, ça n'a pas de sens. Cette fois-ci, pourtant, la police n'intervient pas plus qu'elle n'empêche les pillards de vider le magasin général, une boutique à moitié incendiée où hommes, femmes et enfants se servent allègrement tout au long de la journée en boîtes de conserve, papier toilette ou bidon d'huile. Certains s'emparent même de petits meubles qu'ils chargent sur des charrettes tirées par des ânes. Ici, la rumeur accuse les forces de l'ordre d'avoir volontairement entrouvert les grilles du magasin pour encourager le pillage et donner un argument supplémentaire au gouvernement qui dénonce depuis le début la tournure insurrectionnelle des manifestations. À côté des chômeurs, on trouve désormais les avocats, les enseignants, les étudiants, les syndicats, notamment l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'UGTT. Ben Ali tente un nouveau contre-feu pour arrêter l'embrasement. Le 10 janvier, pour la seconde fois, le président tunisien s'exprime à la télévision. Après les coups et les morts, il annonce la fermeture des écoles et des universités jusqu'à nouvel ordre et s'engage à créer 300 000 emplois entre 2011 et 2012. Au niveau international, l'inquiétude et la retenue des premiers jours laissent place aux critiques contre le régime. L'Europe dénonce l'utilisation disproportionnée de la force par Ben Ali. À l'inverse, en France, les critiques se font attendre et l'on s'étonne même de certaines déclarations, comme celle de la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marty, qui se positionne pour une diplomatie, disons, de l'entraide, notamment en matière de maintien de l'ordre, souvenez-vous. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. C'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations, d'agir en ce sens pour que le droit de manifester puisse se faire en même temps. Merci. Que l'assurance de la sécurité. En clair, vos citoyens veulent la liberté, nous avons de quoi vous aider pour les mater. Une déclaration surréaliste dont on se souviendra longtemps. François Baroin, porte-parole du gouvernement, exprime quant à lui l'attention de la France sur la situation du pays ami. Chaque mot est pesé au cas où Ben Ali reprendrait la main. Nous avons déploré vivement ces violences. Nous sommes préoccupés. La Tunisie est un pays ami. Nous avons une longue histoire avec ce pays et nous sommes attentifs. Quand un peuple décide de se débarrasser d'un dictateur, c'est toute une diplomatie qui s'écroule des années de compromis, d'amitié personnelle, de vacances communes, de coups de pouce financiers et tant d'autres complaisances qui sont remises en cause du jour au lendemain. Au palais de Carthage, l'inquiétude envahit désormais la famille régnante. Le peuple est à ses portes et la vie opulente et luxuriante du clan Ben Ali vit ses dernières heures. Après avoir installé des blindés dans la ville, le président tente une dernière fois la carte de l'intervention télévisée. Le 13 janvier 2011, il s'exprime, ensuite on ne le verra plus. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, cher peuple tunisien, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, tous les Tunisiens, en Tunisie et à l'étranger, je m'adresse à vous dans la langue de tous les Tunisiens et Tunisiennes. Je m'adresse à vous parce que la situation impose un changement profond, et intégral. Je vous ai compris, je vous ai tous compris, le chômeur, le nécessiteux, le politicien, et tous ceux qui revendiquent plus de liberté. Je vous ai compris, je vous ai bien compris tous. Seulement, les événements qui se produisent aujourd'hui dans notre pays ne nous ressemblent pas. La destruction ne fait pas partie des coutumes du Tunisien, le Tunisien civilisé, le Tunisien tolérant. La violence ne nous ressemble pas et ne fait pas partie de nos mœurs. L'escalade doit cesser. Ben Ali utilise l'arabe de la rue, le dialecte, celui qu'on parle dans les campagnes, chez les plus pauvres. Je vous ai compris. Mais les promesses du jour, celles d'une baisse des prix des produits de première nécessité, d'un départ aux prochaines élections, de l'accès total à Internet, ne convainquent personne. L'ambassadeur français Pierre Ménard envoie le soir même un télégramme en France où il affirme, je le cite, que Ben Ali peut reprendre la main et que malgré le couvre-feu, les rues se sont remplies de manifestants. L'ambassadeur parle sans doute de ces derniers pantins du régime qui scandent quelques minutes le nom de Ben Ali. Au même moment, sur Twitter, on suit heure par heure, mètre par mètre, les autres manifestations dans la ville. Ce soir-là, le 13 janvier, des tirs sont entendus sur l'avenue Bourguiba, l'axe principal de Tunis. Des snipers cherchent des cibles à abattre. Les mêmes mots, les mêmes sons de détonation éclatent dans la banlieue de la capitale. Il y a eu 90 morts à peu près. Il y a eu au moins 1000 blessés. Au moins qu'ils soient pas morts et blessés pour rien. Ce 13 janvier, la tentative de reprise en main de Ben Ali fait entre 5 et 15 morts à Tunis et à Hammamet. Dans la nuit et au petit matin, un appel à manifester est propagé de porte en porte, de profil en profil sur Internet dans tout le pays. À Tunis, des dizaines de milliers de personnes se massent devant le ministère de l'Intérieur. Très vite, les derniers fidèles du dictateur répriment à coups de matraque, puis de tir la foule révolutionnaire. Les journalistes du monde entier sont désormais sur place et témoignent de scènes de violence des hommes de Ben Ali qui pourchassent tout révolutionnaire égaré dans le tumulte, mais le régime vacille. En fin de journée, vers 16h30, pendant que la répression se poursuit, un convoi officiel composé d'une dizaine de véhicules quitte le palais de Carthage en banlieue nord de Tunis. Ben Ali et sa femme sont à bord d'une Mercedes direction l'aéroport. À 17h45, un Boeing décolle avec parmi les passagers le couple Ben Ali. Une fuite à la fuite de Varennes qui les amène en Arabie Saoudite après le refus de la France d'accueillir le dictateur. La midi hier est devenue infréquentable en quelques heures. C'est le Premier ministre Mohamed Ghannouchi qui annonce la nouvelle à la télévision et prend l'intérim du pouvoir vacant. Il laisse sa place le lendemain à Fouad Mebaza, président du Parlement, comme le veut la Constitution. Le 14 janvier 2011, en pleine nuit, au milieu de l'avenue Bourguiba, un homme crie sa joie. C'est l'une des images de la révolution de cette journée historique qui fera le tour du monde. Une image symbole de notre temps, comme fut celle du jeune homme devant les chars à Tiananmen, à la différence que celle-ci est une image de joie, de victoire, d'espoir, de jour meilleur. Vive la Tunisie libre! Gloire aux martyrs! Liberté aux Tunisiens! Aux Tunisiens! Aux exilés! Aux Tunisiens qui a fait de la prison! Aux Tunisiens qu'on a torturés! Aux Tunisiens qu'on a réprimés! Aux Tunisiens qu'on a spoliés! Aux Tunisiens qu'on a volés! Respirez la liberté! Le peuple tunisien nous a offert la liberté. Vive le peuple tunisien. Vive la Tunisie puissante. Vive la liberté. Gloire aux martyrs. Le criminel s'est enfui. Ben Ali s'est enfui. Ben Ali s'est enfui. Ben Ali s'est enfui. Après les premières manifestations de Sidi Bouzid, 28 jours ont donc suffi à faire plier le pouvoir. Personne ne s'attendait au départ précipité de l'ex-président. D'ailleurs, les causes se nichent aussi à l'intérieur même du régime où la défection d'une partie des proches de Ben Ali l'a contraint à quitter le pouvoir. Au lendemain de ces journées révolutionnaires, les manifestations se poursuivent pour éjecter les derniers alliés de Ben Ali, ceux du RDC, Rassemblement Constitutionnel Démocratique. En France, Michèle Alliot-Marie, encore elle, ministre des Affaires étrangères, toujours, démissionne après la polémique sur ses vacances tunisiennes en pleine révolution. Deuxième bévue de la ministre dans cette affaire. La Tunisie entre alors dans la phase démocratique et politique de sa révolution. Les exclus d'hier reviennent au pays comme Rachid Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahda, qui débarque à Tunis après 20 ans d'exil. En mars, la justice dissout le RDC de Ben Ali, de nouveaux partis voient le jour. La parole se libère et la politique envahit désormais chaque recoin du pays, comme dans le grand hall de l'hôtel Sheraton de Tunis, où l'on réinvente chaque jour, chaque nuit, lors d'interminables discussions, la Tunisie de demain. Le 23 octobre 2011, à 7h du matin, les bureaux de vote ouvrent. Les Tunisiens, libres, élisent leur assemblée constituante. Ennahda, le parti tunisien islamiste, remporte le scrutin et obtient 89 sièges sur 217. Entre-temps, d'autres peuples arabes se sont soulevés contre leur dictateur avec plus ou moins de succès. La Tunisie est devenue un modèle, un laboratoire d'une révolution du XXIe siècle, une insurrection sans armée ni armes, mis à part des téléphones portables, des petites caméras et le courage de manifester jusqu'à y perdre la vie. C'est le prix exorbitant de la liberté. À la suite des journées de janvier 2011 et du vote de l'Assemblée constituante, la Tunisie n'est pas sortie totalement du cercle de la violence. En 2013, deux personnalités politiques de gauche sont assassinées. Chokri Belaïd, le 6 février 2013, et Mohamed Brahmi, le 25 juillet de la même année. Pendant plusieurs jours, les Tunisiens reprennent la rue en hommage, mais aussi pour se rappeler au bon souvenir des nouvelles forces politiques à la tête du pays. Ben Ali, l'ex-président, l'ex-dictateur, lui, vit en exil à Jeddah, en Arabie Saoudite. En janvier 2014, l'Assemblée vote la nouvelle constitution. Il y a quelques semaines, les Tunisiens ont placé en tête du premier tour des présidentielles Béji Caïd Essebsi, l'actuel président. Le second tour est contre l'actuel président, Moncef Marcouzi. Le second tour est prévu à la fin de l'année. L'élection s'est déroulée, notons-le, c'est important, sans heurts et dans le respect du pluralisme. Une autre page de la Tunisie s'est ouverte, celle de la démocratie. Quant ailleurs, en Syrie, en Égypte, en Libye, la révolution est pour l'instant dans l'impasse. زمان اللي كنا فوار رجال احرار لا نخاف الثلج ولا النار لحنينا الروس ونكسنا ولبسنا يدينا القهار وللحسنا صبابة لعفسنا لبعنا مرة السمسار جينا على الحصحاص حملنا ونجينا شوك ومسمار زمان اللي كنا فوار رجال حرار لنخاف الثلج وللنار لنخاف الثلج وللنار ودينا الروس ونكسنا ولبسنا يدينا القهار للحسن صبابة العفسنا ولابعنا مرة لصمصار مشينا على الحص حاس حملنا نكينا شوفوهم صغار نرقتنا لحظة ولا نعسنا ولا غفلنا ليل ولا نهار ولا اشتحنا مرة ولا رقصنا مع الطبالة والصقار ولا بيعنا ولا نشدنا ولا قبضنا قور ودينار ولا رخصنا وواجد ربنا لهنا شرنا كسبنا ديار ولا صوت عليا تنافسنا ولا كراسي تاريخ نضيف وقت الهمة كانوا صغار قلنا كلمتنا وما خفنا لا عساس ولا حزار ليلة قمرنا ليلة بسنتنا ليلة هتخنا عراض الجار شدينا الحبس تهرسنا وتهنا وحملنا العار قودنا على الجيرين لهزينا خفوف جهار لعملنا اللي جين لعسينا على الجوار نزلنا الصور حبسنا خليناها للثوار خليناها للثوار ورونا الثورة العصرية وكيفاش نقدو شعار لسمعنا بليلين وما وقولش لقيناش نهار لعرفنا شنو كبار اللي ثار لعرفنا دباجي ولا استعمار كثرة الحساب لعرفنا اللي فهمنا لا يمين لا يسار لا مواد ولا وطاد ولا العلماني من خمار لا القوم عرفناها الشحكي لا الاخضر جانا تخدار لا تقتلنا مع تكتل لا اعتصمنا مع عمار لا هي الاهداف الثورة للحقوق جانا وزار قالوا عملنا مؤتمر وديك جينا في مشوار لا اتحاد ولا نقابة ولا انفلات ولا انهيار زمن اللي كنا صناديد كان القبضي شد الفار والذي بيصحية النعجة والمعزة معزة ولا وطار خسر الثوار لا تحشم ولا فيها الخد اللي حمار لقلم ترفعك يا سادة صفحتكم بيذب الحبار احبوا للذر تصدقكم تاريخ كتبنا شعار واللي ما كتب شي تاريخ سامح لنا كل طرقات France Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel Notre invité aujourd'hui, Gilbert Achkar, qui signe le livre intitulé « Symptômes morbides, la rechute du soulèvement arabe chez Actes Sud ». Alors, la première question concerne évidemment la Tunisie, puisqu'elle était l'objet de notre récit. Cette révolution, ce printemps arabe, cette révolution dite de jasmin aujourd'hui, et avec le recul, l'œil qu'on porte sur les révolutions arabes, sur celle de la Tunisie, puis celle de l'Égypte, n'ont pas débouché sur des régimes démocratiques. C'était pourtant les demandes du peuple. Cela dit, le cas tunisien est peut-être un peu différent des autres. Différent du cas égyptien, vraiment différent du cas syrien, et tout autant du cas libyen. Est-ce qu'on pourrait dire que pour la Tunisie, on est arrivé à une sorte de compromis entre les volontés de démocratie et ce que les Tunisiens vivent aujourd'hui? Ben, ce qu'on peut dire, c'est que en Tunisie, les acquis démocratiques du bouleversement de 2011 ont été préservés pour l'essentiel. C'est-à-dire que le fonctionnement des nouvelles institutions continue. Même si l'on se place du point de vue des aspirations de 2011, on est loin du compte. Mm. On est loin du compte. Si le peuple voulait renverser le régime, hein, selon le mot d'ordre, le slogan bien connu de ce qu'on a appelé le printemps arabe, eh bien, les hommes du régime sont en place. Et puis, on a une révolution qui a été qualifié de révolution de jeunes, même si c'est à la limite une tautologie, puisque bon, les révolutions de vieux, on n'en connaît pas dans l'histoire, n'est-ce pas? Mais une révolution de jeunes qui débouche sur un président qui a 90 balais, bon, il y a une contradiction ici assez flagrante. Mais enfin, oui, les acquis démocratiques ont été préservés jusqu'à présent pour l'essentiel, et si l'on se pose la question de savoir pourquoi, je crois que la réponse, elle est toute donnée. C'est la même réponse que pour la question de savoir pourquoi c'est la Tunisie qui a commencé, pourquoi c'est le premier pays de la région où un mouvement populaire a pu renverser un dictateur. Et cette réponse, c'est l'existence d'un mouvement syndical réel, fort. C'est la principale force sociale organisée du pays. C'est une particularité tunisienne. Il y a rien d'équivalent dans le monde arabe. Il y a deux, trois pays où il y a un mouvement syndical relativement autonome, mais nulle part avec la puissance de l'UGTT, de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui est la raison principale tant du renversement de Ben Ali en tant que direction du soulèvement, et du fait que la démocratie, enfin les acquis démocratiques continuent à être en vigueur. Quels sont les plus grands acquis démocratiques? Est-ce qu'il s'agit de la liberté d'expression, la liberté de la presse? Oui. Non, bien sûr. Liberté d'expression, liberté politique. Les élections ne sont pas des élections, comme celle de Ben Ali, avec des 90 et au-delà pour 100. Enfin, non, c'est un pays où il y a un véritable fonctionnement démocratique, il y a un véritable pluralisme politique. Non, c'est certainement aujourd'hui le pays du monde arabe où il y a le plus de liberté et le fonctionnement, disons, enfin, au moins au niveau de la démocratie parlementaire, le plus satisfaisant. Et on parlera des autres pays arabes. On reste un peu sur la Tunisie parce que c'était quand même l'objet de notre récit. Et y a-t-il une scission entre le nord du pays, les grandes villes des côtes de la Méditerranée, et le sud de la Tunisie, ce qu'on appelle la Tunisie de l'intérieur? Il y a encore ces deux pays où il y avait quand même des inégalités fortes. Non, certainement, oui. Certainement, c'est-à-dire que la région côtière du nord sur le plan social, sur le plan socio-économique, peut apparaître comme privilégié, même si on parle pas d'un pays riche en tout cas, mais par rapport aux régions du centre et du sud, qui sont les régions déshéritées de la Tunisie, les régions pauvres. C'est là d'où est parti le soulèvement de 2011 de Sidi Bouzid, qui est une localité tout à fait dans le centre de la Tunisie. Le soulèvement qui a précédé 2011 en 2008 s'est déroulé dans le sud tunisien, à Gafsa, c'était un peu le signe, le signe précurseur de ce qui allait se passer deux ans plus tard, parce que ça commençait en décembre 2010, et puis c'est surtout la répétition, après, si vous voulez. La répétition, c'est voilà. Ça. Et la situation économique du pays, précisément, aujourd'hui, en Tunisie, est-ce que... Elle est dramatique comme partout, c'est-à-dire les facteurs fondamentaux qui ont abouti à l'explosion à l'échelle régionale, et qui sont des taux de croissance très faibles, et qui donc aboutissent à un chômage record. Et c'est cette partie du monde, les pays arabophones, détiennent le record mondial des taux de chômage depuis quelques décennies maintenant. Et c'est surtout un chômage de jeunes. C'est la catégorie des jeunes, des moins de 24, on a un chômage absolument massif. Et évidemment, c'est ce problème-là, un soulèvement avec toute l'instabilité politique que cela suppose, eh bien, ne peut que l'aggraver à moins de déboucher sur un changement radical de politiques économiques. Or, on en est très loin, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que pour la Tunisie, comme pour l'Égypte d'ailleurs, où ça s'est passé de manière assez brutale là tout récemment, on a les institutions financières internationales, le Fonds monétaire international en particulier, qui continue à faire pression pour les mêmes politiques d'austérité, de réduction des subventions de toutes sortes, des politiques antisociales, si vous voulez, et sans tirer aucune leçon du soulèvement, ou plutôt, si l'on veut, c'est ce qui est à la limite. Qui relève là pratiquement du dogmatisme, c'est que, ou ou même de l'intégrisme, on peut parler d'un intégrisme du FMI sur cette question-là, enfin, un intégrisme néolibéral, c'est le fait d'interpréter le soulèvement comme le signe d'une crise qui ne pourrait être réglée que par une application encore plus radicale et drastique. Oui, des mesures néolibérales. Et ça, c'est aller tout droit dans le mur, hein. Alors, puisqu'on dit aller tout droit dans le mur, que s'est-il passé en Égypte, puisque après le printemps tunisien, on s'est dit, bah tiens, c'est la propagation de l'idée démocratique, ça arrive en Égypte, on y a cru, vu d'ici, par exemple, on y a cru, et on voit ce qu'est devenu l'Égypte aujourd'hui, la reprise en main. Oui, autoritaire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en Tunisie comme en Égypte, c'est le sommet. Sauf qu'en Égypte, là, il y a une reprise en main autoritaire, ce qui n'est pas le cas en Tunisie. Il y a une reprise en main autoritaire, c'est vrai, mais dans les deux pays, le régime est toujours là. Le régime au sens fondamental du terme. Et c'est ce que... C'est-à-dire celui qui renvoie aux pratiques de Ben Ali, certaines parties, et celle de Moubarak? C'est-à-dire, la composition sociopolitique du pouvoir, elle est toujours la même. Elle est là, c'est les mêmes intérêts sociaux qui sont représentés, et c'est pour l'essentiel le même appareil d'État qui est en place. Ce que vous avez eu en 2011, dans les deux pays, c'est juste le sommet de l'iceberg. Qui a été qui a été cassé, et vous savez que par la loi d'Archimède, hein, ça remonte forcément, il y en aura un autre, et c'est ce qu'on a, hein. Bon, maintenant, avec les différences qu'on a pointées, c'est entre la Tunisie et l'Égypte, effectivement, les acquis démocratiques dans un cas pour la raison que j'ai essayé d'évoquer. Et un régime dictatorial encore plus dur que celui de Moubarak, hein, parce que là, la rechute, comme souvent, même en cas de maladie, elle peut être plus dure que la première fois, oui. Et c'est ce qu'on a en Égypte, hein, c'est ce qu'on a en Égypte avec Sisi, qui est. Mais dans les deux cas, on va droit dans le mur. Parce que sur le plan économique, c'est la continuation, voire la radicalisation des politiques économiques qui ont produit l'explosion en 2011. Bien, on va se retrouver dans 3 minutes, Gilbert Achecard, le temps d'écouter Stromae. Alors on danse. Alors on danse. Taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Et nous on parle, Gilbert Achkar. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre intitulé « Symptômes morbides, la rechute du soulèvement arabe ». On en arrive à l'une des thèses de votre livre, peut-être la plus éclairante, qu'on peut résumer de cette façon. Le monde arabe est entré dans un processus révolutionnaire sur le long terme. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que c'est vrai que on est en train d'analyser finalement, à court terme, hein, des événements qui se sont déroulés, nous sommes en 2017, il y a 6 ans, 5 ans, c'est proche. Et vous, vous dites que c'est une révolution sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je l'ai dit depuis le début. Oui. Je l'ai dit depuis le début et c'est développé en longueur dans mon ouvrage précédent qui s'appelle Le peuple veut et dont celui-ci. Mais moi j'ai lu celui-là, moi. Oui, mais celui-ci est en quelque sorte la continuation du précédent. C'est une analyse ici de la nouvelle phase qui commence en 2013, selon mon découpage de cette histoire récente, et qui est une phase contre-révolutionnaire après la première phase, la phase révolutionnaire de 2011-2012. Et dans mon ouvrage précédent, donc j'ai analysé les racines profondes de l'explosion et la dynamique que ça représentait. J'ai souligné depuis le début. Enfin, je le répète depuis le tout début que l'appellation même printemps arabe telle qu'elle était utilisée en 2011 était fondée sur une illusion. Parce que quand on disait printemps arabe en 2011, c'était pas parce que on s'attendait à une succession de saisons. Mais parce qu'on s'attendait à un changement. Un nouveau paradigme. Mais qui se fasse l'espace d'un printemps. D'un printemps. Sur un temps court. Ouais. Et c'était une grosse illusion. Parce que quiconque connaît la nature des États dans la région, la nature des systèmes politiques, des structures sociopolitiques qui gèrent la région, ne doit pas s'attendre à une possibilité de changement, pacifique, hein, parce que là, c'était une autre illusion immense. Après la Tunisie et l'Égypte, on a pensé que ça... On était aussi influencé de façon totalement erratique par ces révolutions de velours qu'on avait vues dans les pays de l'Est. Oui, mais c'est-à-dire, vous savez, comme on dit que les généraux font toujours la dernière guerre, hein, on peut dire que l'humanité et les médias... Les médias comme porte-parole là, de ce que tout le monde perçoit, si vous voulez, en était resté à ce schéma. Et alors, en voyant la similitude entre le côté domino hein, de ce qui s'est passé après la chute du mur de Berlin et ce qui s'est passé après la chute de Ben Ali, eh bien, on a cru que ça sera du même ordre. C'est une erreur profonde puisque les deux situations sont radicalement différentes. Alors, on n'est pas là pour lire dans la boule de cristal et faire des pronostics, bien sûr, mais quand vous dites révolution à long terme, c'est quoi l'espace-temps? Qu'est-ce que ça veut dire long terme? Ah, ben, on parle en décennies, là. Je dis processus révolutionnaire de long terme. Ça veut dire que, ben, tout simplement, c'est une crise structurelle profonde. Ce n'est pas un changement démocratique, comme on l'a dit, ou une transition démocratique. Il ne faut pas confondre ce qu'on peut appeler des transitions démocratiques lorsqu'elles arrivent dans des pays en couronnement d'une longue période de développement économique et d'industrialisation, comme ça a été le cas dans des pays comme le Brésil, la Corée du Sud, la Turquie même et d'autres, et une crise profonde qui relève d'un blocage et d'un manque de croissance, exactement l'inverse, comme c'est le cas dans le monde arabe. Et là, c'est un processus révolutionnaire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui implique beaucoup plus qu'un changement de régime politique, qui implique un changement profond des structures sociales, économiques et politiques. Un changement donc beaucoup plus englobant. Et pour cela, donc, il faut des conditions politiques qui aujourd'hui ne sont pas réunies dans la région. C'est pour ça que on est devant une longue période d'instabilité. Vous savez, quand on dit la Révolution française et on parle d'un seul pays, on n'entend pas le 14 juillet, un jour ou même quelques mois. On entend, dans la version la plus courte, une dizaine d'années jusqu'au coup d'État de Bonaparte, n'est-ce pas? Et dans la version de Furet, etc., qui a de forts arguments pour elle, un siècle. On parle d'un siècle. Donc, on est dans un grand bouleversement qui va durer certainement des décennies. La seule prédiction qu'on peut faire à propos de la région, ça, j'arrête pas de le dire, hein, la seule prédiction qu'on peut faire, c'est qu'il y aura pas de stabilisation à l'horizon aujourd'hui. Il y en a pas dans l'avenir prévisible. Alors, il y a eu la Syrie également. Alors, on a pu croire, encore un printemps arabe, mais pas longtemps, évidemment, puisqu'on est arrivé là, pour le coup, ça a débouché sur un vrai drame. Hein, c'est l'un des grands drames de la planète en ce moment. C'était à prévoir, ce dénouement en Syrie. Est-ce que vous avez été étonné par la façon dont les choses ont évolué très vite vers le malheur et vers le drame et vers la guerre en Syrie? Il y a un aspect de ce qui s'est passé en Syrie qui était inévitable et fatal, et un autre qui ne l'était pas. Ce qui était inévitable, c'est que ça se transforme en guerre civile. C'est-à-dire que la différence, si vous voulez, entre la Syrie ou la Libye, de ce point de vue-là, oui, et un pays comme l'Égypte, prenez l'Égypte, c'est qu'en Égypte, vous avez une institution qui est la colonne vertébrale du pouvoir et qui prime par rapport au personnel dirigeant. L'armée, hein, pour ne pas la nommer, est cette colonne vertébrale, et c'est l'armée qui produit les dirigeants, c'est pas les dirigeants. Nasser, notamment. Bah, depuis l'époque de Nasser, depuis cette époque-là, c'est bon, Sadat, Moubarak, c'est des produits de l'armée. Bon, aujourd'hui, Sissi, bien sûr. Et tandis que des pays comme la Syrie ou la Libye, on a eu une transformation des appareils en garde prétorienne du pouvoir, en garde privée du pouvoir. Mmh. C'est la même chose dans les monarchies du monde arabe. Hein. Et le parti basse, en l'occurrence, pour la Syrie. Voilà. Non, je parle des forces armées. Les forces armées. C'est là que c'est important. Mmh. Donc, que ça s'appelle garde royale dans certains pays ou garde républicaine dans d'autres, c'est kif-kif boricot, c'est une garde privée de la famille régnante, hein, dans ces pays-là, des pays comme la Syrie ou la Libye. Et ce qui veut dire que dans tous ces pays, il ne peut y avoir de renversement du pouvoir sans faire face aux appareils, en tout cas à la garde prétorienne, c'est-à-dire au corps d'élite, qui sont des inconditionnels du régime, qui sont liés au régime par toute une série de liens. Donc il était inévitable que ça se transforme en épreuve sanglante. Ce qui était pas inévitable, c'est la tournure politique que ça a pris. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout, ça relevait pas de la fatalité que l'on se retrouve avec une opposition syrienne dominée par des intégristes. Hein, sans parler de l'État islamique et tout cela, mais cela, ils ont un rôle, enfin l'État islamique en tout cas, le soi-disant État islamique a un rôle plus qu'ambigu dans la tragédie syrienne. Mais en ce qui concerne l'opposition, je veux dire l'opposition reconnue comme telle par ce qu'on appelle la communauté internationale, eh bien il n'y avait pas de fatalité à ce qu'elle évolue comme on l'a vu, quoi. Vous avez raison d'évoquer Daesh, évidemment, parce que aujourd'hui la cible de Bachar al-Assad, ce sont les forces qui appelaient à la démocratie au début, et ce sont encore les mêmes. Ses ennemis, ce sont les forces qui appellent à un changement de régime, c'est bien ça. Oui, mais... Plus que Daesh, peut-être. Malheureusement, ces forces-là ont été largement battues pour l'instant. Bon, alors après, on pourra dire qu'elles ont perdu une bataille, mais pas la guerre. En tout cas, il faut l'espérer. C'est pour ça qu'on peut garder espoir sur le long terme, puisque je parlais de processus révolutionnaire de longue durée. Mais vous voyez, le passage comme figure de proue de l'opposition syrienne, de Burhan Ghalioun, professeur à la Sorbonne Nouvelle, démocrate, laïque, de gauche, etc., premier président du Conseil national syrien, au barbu, si je puis dire, sans problème, puisque je le suis moi-même, mais bon, mais là je le dis au sens figuré et politique, Allouche, qui dirige la délégation syrienne aux négociations d'Astana, et qui est un des chefs de ce qu'on appelle l'armée de l'islam, qui est une organisation qui s'est entre autres distinguée par l'élimination de démocrates et de laïcs d'opposants, hein, au régime, eh bien ça résume très tristement cette évolution. Merci Gilbert Achkar. Si on volait plus loin, je m'adresse aux auditeurs, il faut lire votre livre, Un symptôme morbide, la rechute du soulèvement arabe. Chez Actes Sud, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le printemps arabe, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire Domenici.